Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple pour une émission spéciale fête de fin d'année en compagnie de la harpiste québécoise Valérie Milot. Et c'est d'ailleurs la valse des esprits bienheureux de Gluck interprétée par Valérie Milot qui sert d'indicatif à cette émission. Alors, vous vous demandez peut-être ce que vient faire une harpiste dans une émission de science. Eh bien, c'est parce que Valérie Milot a créé un concert intitulé Nébulé, qui, comme son nom le suggère, marie la harpe et l'astronomie. Dans ce concert, Valérie Milot joue bien sûr de la harpe, mais nous offre aussi une réflexion sur l'astronomie et sur la science. Et je me suis entretenue avec elle la semaine dernière, et Valérie Milot m'a généreusement fourni des pièces musicales de son concert pour les intégrer à son entrevue et concocter ce reportage. Bonjour Valérie Milot. Bonjour Valérie. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous avez donné un concert à l'Anglicane de Lévis, un concert pas comme les autres, ça s'appelle Nebula, bien sûr, un concert de harpe. Et vous allez le donner d'ailleurs le 18 janvier prochain au Palais Montcalm à Québec. Je dirais que c'est un concert pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous en souffler quelques mots? Oui, tout à fait. C'est un projet qui est en tournée depuis, en fait, le tout début de l'été, qui allie musique et astronomie. Bon, musique étant harpe, parce que je suis seule à la harpe. En gros, il s'agit d'un concert qui flirte presque un peu avec le stand-up, c'est-à-dire que je parle quand même énormément dans le concert. En fait, c'est vraiment brodé entre allocution et musique. Puis la thématique générale, c'est vraiment l'astronomie, un peu de philosophie aussi et quelques pointes d'humour. Et est-ce que l'astronomie, c'est très visuel aussi? On aime ça voir des Oui. images. Est-ce que là, il y en a aussi pour accompagner la musique et les propos? Oui, tout à fait. Toutes mes productions en général sont très visuelles parce que je veux différencier vraiment l'expérience d'écouter de la musique à la maison avec soit numériquement là, ou sur support CD ou vinyle, puis l'expérience de concert qui selon moi est vraiment différente. C'est-à-dire que quand la personne fait l'effort de se déplacer, de se rendre dans une salle de concert, elle cherche à vivre une expérience qui est plus totale que celle de entre guillemets, simplement écouter de la musique. Donc, dans le cas de Nébulé, c'est très visuel. Ça va supporter mon propos. Donc, c'est un peu comme si on se retrouvait dans mon salon. Puis là, il y a des cadres lumineux. En fait, les cadres s'illuminent à force des propos. Puis il y a un cadre qui est un peu plus réactif là, à ce que je dis. J'ai aussi un alter ego qui est un genre de mannequin qui change différentes têtes. Donc, l'idée de tout ça, c'est juste d'appuyer puis de magnifier un peu ce qui se passe. Et pourquoi l'astronomie, en fait? Comment vous est venue cette idée d'allier la musique et l'astronomie? Ben en fait, ça part de plusieurs discussions que j'avais avec mon amoureux qui est un grand, grand passionné d'astronomie. Puis on s'est mis. En fait, l'astronomie, c'est quelque chose qui m'a interpellée beaucoup quand j'étais adolescente. En fait, j'avais même envisagé peut-être une carrière là-dedans avant de Avoir la certitude profonde que je vais devenir musicienne, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. En fait, je dirais même la science en général, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Puis je trouve pas ça très loin de la musique. Il y a quelque chose que je trouve assez scientifique dans dans ce que je fais comme musicienne. Peut-être plus parce que je suis musicienne de style classique. Donc vraiment dans toute la préparation, puis dans l'étude du texte musical, pour moi, il y a quelque chose qui est assez scientifique, puis c'est un type de pensée qui est essentiel, évidemment, là, à notre monde, mais que je trouve vraiment intéressant, puis que je trouve intéressant de valoriser aussi, surtout aujourd'hui. Pour moi, c'est ça, il y a pas vraiment il n'y a pas une grande distance entre les deux, puis je voulais donc aller parler d'astronomie aussi parce qu'en fait, il y a une grande trame de fond en arrière de Nébulé, c'est vraiment le texte Pale Blue Dot de Carl Sagan. Donc, c'est pour ça que je parlais de philosophie, là, il y a vraiment l'approche où est-ce qu'on se remet en question comme humain. Je veux questionner toutes sortes de processus qui font en sorte qu'on s'éloigne de la pensée scientifique aussi, comme les croyances, par exemple. Donc, ça semble assez chargé, mais on a quand même réussi à résumer tout ça avec un fil d'Ariane à travers ça. Il y a vraiment une chronologie dans le spectacle. On expose une réflexion au début, après on voyage à travers différentes choses, mais on revient. La conclusion est très, très forte, je pense. Ok, donc il y a un fil conducteur, il y a une réflexion tout au long du concert, c'est pas juste des images pour enjoliver la Non. musique. C'est un parcours. C'est un C'est un parcours. parcours. Puis ça, c'était important pour moi aussi. Puis c'est un défi au début parce que vraiment, quand on s'est concerté, en fait, j'ai travaillé avec un scripteur aussi qui s'appelle Julien Patenaude, qui est lui-même un chanteur classique, mais qui a étudié aussi comme scripteur à l'école de l'humour. Donc, je voulais vraiment avoir des textes qui sont super naturels, mais qui sont très bien rodés aussi. Et justement, pas qu'on se perde puis qu'on fasse juste exposer. Je voulais pas que ce soit comme un exposé scientifique. Je voulais vraiment qu'il y ait une réflexion. Donc, on a travaillé très fort, mais quand on est arrivé avec, disons, la planche à dessin, là, avec toutes les idées, c'était très large. Puis, ça donnait le vertige quand même de savoir comment faire pour parler de tout ça. Mais à force de travailler sur les textes, on dirait que c'est comme s'il y a une formule mathématique magique là, qui est apparue, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis je pense que ça me donne quelque chose d'assez cohérent. Mais... J'imagine là, puisque le discours scientifique semble avoir quand même une importance pour vous, donc le contenu scientifique est validé là, j'imagine. Absolument. Oui, on a travaillé avec une doctorante en astrophysique qui s'appelle Auréane Tillois. Puis c'est ça, j'ai vraiment dès le départ là, créé des liens, notamment aussi avec la famille de Hubert Reeves, parce qu'on cite aussi Monsieur Reeves dans le spectacle. Monsieur Reeves qui était un grand mélomane aussi. C'était d'ailleurs un super bon porte-parole pour la musique, puis justement le lien entre la musique et l'astronomie. Donc oui, c'était super important, évidemment. Là, on s'est mis la barre très haute là-dessus. Je vais aller le voir ce spectacle le 18 janvier, puis j'ai vraiment hâte je sais pas si on doit dire écouter, voir, s'imprégner, On pourrait dire réfléchir, vivre une vivre. expérience. Mais ça reste un spectacle de musique. Mais c'est ça. Tu sais, personnellement, comme musicienne, mais encore plus comme spectatrice, je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, alors qu'on est tellement sollicité par du bruit, la musique tout le temps, quand on va voir un spectacle de musique, je trouve que des mises en contexte pour ce qu'on va écouter, c'est d'autant plus important, pour vraiment, disons, aiguiser l'écoute. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment vous avez choisi les pièces musicales qui accompagnent les propos? Bonne question. Mais je suis musicienne, hein, donc je pars toujours de la musique. Donc c'est ce que j'ai fait pour ça. Puis mes choix musicaux sont toujours assez instinctifs et émotifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, à 40 ans, c'est rare que je joue des pièces que j'ai pas le goût de jouer. Donc c'est toujours J'espère, avec je vous le souhaite. Oui, mais tu sais, comme musicien, dans notre parcours, parfois, on n'a pas trop le choix. Des fois, on va jouer des pièces donc, qui sont pas nos premiers choix. Mais là, vraiment, quand je fais des productions, là, je me garde, je vais vraiment avec mes cœurs du moment. Puis, parfois, les pièces, c'est parce qu'elles m'évoquaient quelque chose. Par exemple, la toute première pièce Du spectacle qui est un prélude de Gabriel Pierné. Il n'y a pas de lien dans l'idée que Pierné a eue en la composant avec l'astronomie, mais pour moi, au niveau de la texture du son, ça commence dans les graves, c'est très. Puis ça se déploie beaucoup. Pour moi, c'était la meilleure façon d'introduire ça parce que pour moi, l'astronomie, c'est justement quelque chose de grandiose. Puis je trouvais que cette pièce-là, quand je l'écoutais, elle m'évoquait le type de vertige que j'ai quand je pense à la distance entre les astres, par exemple, ou quand on se retrouve devant ce qu'on a du mal à conceptualiser comme être humain, tellement que c'est plus grand que nous, ça m'évoquait ça. Donc, ça a été ça, ma façon de réfléchir. Donc ça, c'est la pièce, comment vous l'avez appelée? Le prélude de Gabriel Pierné. C'est Oui. la pièce qui ouvre le spectacle, pas la pièce Bon, qui ouvre. bah, peut-être qu'on Mais va l'écouter. oui, tout à fait. Donc voilà, là donc ce qu'on vient d'écouter, c'était le prélude de... Gabriel Pierné, D'accord. compositeur français. Donc, c'est une pièce qui était originalement pour le piano que je me suis appropriée à la harpe pour ouvrir le concert. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc est-ce qu'en fait dans le choix des pièces, est-ce qu'il y a des pièces de votre composition? J'ignore complètement si vous-même vous composez des pièces ou pas. C'est quelque chose qui me plaît bien. Par contre, je le fais très, très peu souvent, même jamais en concert, je l'ai jamais fait jusqu'ici. Par contre, je vais faire beaucoup d'arrangements, c'est-à-dire que je vais m'approprier des pièces. Notamment, je l'ai fait avec une œuvre d'un compositeur et ami, Denis Goujon. Je voulais vraiment intégrer une de ses œuvres à mon spectacle. Donc, j'ai pris une pièce qu'il avait écrite pour violoncelle, flûte et harpe, mais disons que j'ai ajouté beaucoup de moi. Donc, pour moi, il y a une part de création dans ça. Mais sinon, je suis vraiment une interprète. C'est vraiment comme ça que j'ai été formée. La composition, c'est quelque chose qui, pour moi, est dans, disons, l'autre moitié de ma vie, là, qui est comme devant moi. C'est quelque chose qui m'attire, mais qui n'est pas vraiment présent dans ce concert-là. Il y a des pièces quand même qui portent le nom, je crois qu'il y a Au cœur de l'étoile. Oui, c'est exactement la pièce de Denis Ah, Goujon. Ouais. d'accord. Donc il y a aussi Clair de lune. Oui, cette pièce-là, justement, c'était l'occasion pour moi de faire un parallèle entre, parce qu'on parle de ça dans le spectacle aussi, comment l'être humain regarde son univers. Il regarde d'une manière scientifique, donc par l'astronomie, donc en l'étudiant, en essayant de comprendre ce qui se passe autour de lui. Mais il regarde aussi d'une manière artistique. Donc, c'est cette manière artistique-là qui l'a mené aussi à inventer toutes sortes d'histoires qui, au départ, étaient probablement plus des femmes, sont devenues des croyances. Après, bon, ça a pu devenir problématique, mais je veux dire, sinon, dans l'observation de son univers, l'humain, parfois, veut simplement dépeindre de la beauté, comme on pense aux peintures de Monet, par exemple, ou à Ouais. de choses. Puis, clair de lune de Debussy, ben, c'est justement, je trouve que l'idée de parler d'un clair de lune, on sait très bien que scientifiquement, il n'y a pas de clair de lune, ça se peut pas. C'est la réflexion de la lumière du soleil. Mais ça reste que cette lumière-là, on la voit quand même, même si elle n'est pas réelle. Donc, c'est l'occasion de faire le parallèle justement entre l'œil artistique puis l'œil scientifique de l'humain. Donc on va écouter également donc Clair de lune. Donc ça, c'est Clair de lune, c'est de Debussy. Thank you. Voilà, alors on vient d'écouter Clair de lune de Claude Debussy. Il y a d'autres pièces de musique dans votre spectacle qui évoquent par leur titre le ciel. Donc je pense par exemple aussi à qu'est-ce que c'est Clair d'étoile. Oui, tout à fait. Ouais. Clair d'étoile de Gabriel Dupont. Cette pièce-là, justement, se retrouve dans le spectacle juste après le prélude, donc après avoir un peu ouvert les portes de l'univers, si on veut. C'est une pièce qui est toute en douceur, puis puis qui se développe un peu en complexité. Là, c'était vraiment l'idée de justement l'humain qui lève le regard vers les étoiles, qui, avant d'avoir toute la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui, pouvait voir simplement un bout de tissu avec quelques petites lumières, mais quand on comprend après, en fait, c'est comme le regard vers le ciel étoilé, c'est le début d'une réflexion. Par la suite, quand on commence à l'étudier, ben là, on découvre des grandeurs incroyables, là, tu sais, juste en pensant que, tu sais, notre soleil est l'étoile la plus près de nous, mais et en même temps, quand même à 8 minutes en termes d'années-lumière, ce qui est quand même vraiment très loin. Donc, c'est ça, c'est pour moi, c'est un peu comme la porte ouverte vers la. Et puis bien sûr, il y a d'autres pièces. Là, je voyais une valse romantique, il y a diverses sonates. Donc, est-ce qu'il y a un ordre aussi il a fallu penser l'ordre dans lequel mettre ces pièces-là, j'imagine, par rapport au scénario, scientifique. Oui, tout à fait. Je dirais que le plus important était de déterminer le début et la fin. Après, c'est un peu comme quand on construit une histoire, là, introduction, conclusion, dénouement. Après, ben, péripétie. Mais l'être humain a plusieurs péripéties, donc c'est vraiment une espèce de parcours de l'humain. Donc, la dernière pièce est super importante aussi. Toujours une pièce de Debussy, mais maintenant une valse romantique. Donc, comme le spectacle se termine avec un extrait encore de Pale Blue Dot de Carl Sagan, mais qui offre vraiment une réflexion sur comment notre, c'est pas un mot, mais petitesse, là, comment le fait d'être si petit sur notre petit point bleu nous rend, nous donne une urgence de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres. Mais après de jouer cette valse romantique-là de Debussy, qui est comme un peu mélancolique, mais en même temps qui crée une espèce de, disons, de rapprochement ou un goût de rapprochement. Il y a quelque chose justement de romantique là-dedans. Je trouvais que ça laissait les gens sur quelque chose de positif, puis de thank you. Sur ces belles notes, on va revenir sur Terre, le temps d'une petite pause sur CKRL 89.1. Mais restez avec nous, l'entrevue avec Valérie Milo se poursuit après la pause.